Les rendez-vous de l'IRTS de Lorraine. Bienvenue sur Fadjet pour un nouveau rendez-vous des rendez-vous de l'IRTS de Lorraine. Toujours en compagnie de Nadia Kalfa, bonjour. Bonjour. RPI, donc Relations publiques et internationales à l'IRTS, et Kassem Jouacha, bonjour. Bonjour. Coordinateur donc du CFA. Et aujourd'hui pour cette deuxième émission, le thème CFA et employeurs travailler ensemble pour réussir. Dites-nous tout. Travailler ensemble avec les employeurs. Donc le CFA de l'IRTS de Lorraine dispose aujourd'hui de plusieurs sites qui sont ce qu'on appelle des sites délocalisés, donc sur toute la région Lorraine, donc à Nancy, à Metz, Verdun, Longwy, Thaon-les-Vosges et Folquemont. On a de plus en plus de candidats sur ces sites délocalisés. Pour pouvoir faire évoluer les territoires dans cette pénurie qu'on connaît au niveau des travailleurs sociaux, les institutions, les employeurs peinent à recruter aujourd'hui. Donc pour former ces futurs professionnels, on a besoin d'eux, on a besoin des employeurs pour pouvoir tout simplement accompagner ces candidats-là et leur permettre aussi d'entrer en formation. Puisqu'aujourd'hui, la nécessité pour un candidat, c'est de trouver un employeur. Donc aujourd'hui, avec ma collègue donc Nadia Kalfa, l'idée, c'est de faire un appel aux employeurs et on va essayer de les convaincre par quelques bons arguments, notamment sur les bonnes raisons de recruter des apprentis aujourd'hui. Parce que est-ce que c'est déjà bien connu que c'est possible de recruter en apprentissage pour ces employeurs ? Pour les apprenants, c'est connu parce que les formations accessibles par Parcoursup, les conseillers d'orientation, les enseignants sont au fait de la formation accessible par la voie directe, c'est-à-dire avec un statut d'apprenant lycéen ou étudiant post-bac ou infra-bac. Et donc, ils ont accès à Parcoursup et Parcoursup propose la formation en apprentissage. Donc, de fait, les apprenants et leurs parents, quand ils participent à une relecture de Parcoursup, ils ont accès à ces formations en voie directe et en apprentissage. On a beaucoup de candidats qui veulent devenir travailleurs sociaux et donc se donnent toutes les chances, voie directe et apprentissage. Mais la situation aujourd'hui fait qu'on a trois types de candidats qui vont vers l'apprentissage. C'est ceux qui ont vraiment envie de s'inscrire dans une formation en alternance. Mmh. C'est-à-dire, ils ont vraiment envie de côtoyer le monde du travail en se formant, en se qualifiant. Ensuite, on a ceux qui ont vraiment envie de devenir travailleur social, coûte que coûte, j'ai envie de vous dire. Donc, par tous les moyens, là, que ce soit de l'alternance intégrative ou par le monde de l'apprentissage. Et la troisième catégorie, ce sont tous ces jeunes, toutes ces personnes qui sont en RQTH, hein, parce que les RQTH, je vous rappelle, n'ont pas de limite d'âge, hein, l'apprentissage est de 18 à 30 ans, sauf pour les personnes qui ont une RQTH. Et ben, ces personnes, ils se disent, c'est un moyen de rebondir. C'est un moyen d'accéder à mon projet. Et donc, les gens, normalement, y ont accès. Nous, on est dans beaucoup de rencontres. Nous, on va beaucoup à travers la Lorraine. Hein. Le nombre de candidats ne nous fait pas peur en termes d'apprentissage. Ce qui est en face, c'est les offres d'emploi, les offres de contrats d'apprentissage ou de contrats professionnels. Parce qu'il faut aussi en parler, c'est la même catégorie pour nous. Oui. Hein, puisqu'on organise l'alternance de la même manière. Hein. Toutes les personnes qui ont un employeur se retrouvent dans la même promo afin d'organiser une alternance qui convienne aux employeurs. Hein, c'est pas la même alternance. Quand on est étudiant, on fait cours, stage. Quand on est apprenant, apprenti ou en situation de travail contractuel, on va en cours et on va travailler après. Donc là, on se projette sur la rentrée de septembre 2025. On est vraiment dans une période charnière aussi avec les résultats de Parcoursup et tout ça. Mais voilà, vous l'avez dit, il faut trouver des employeurs derrière pour tous les postulants et ils sont de plus en plus nombreux. Les postulants sont de plus en plus nombreux. Je vais vous donner quelques chiffres. Ça permettra de bien saisir la tendance. Donc, en 7 ans, le nombre des apprentis, donc là, je parle des CFA, tous métiers confondus, oui, hein, oui. Ça ne concerne pas que le social. En 7 ans, le nombre d'apprenants a triplé. On est passé donc en 2017 de 295 000 personnes inscrites dans les CFA en France et on est à plus d'1 400 000 aujourd'hui en 2025. Et donc, effectivement, on ne peut pas reprocher aussi aujourd'hui aux employeurs, bien entendu, de ne pas jouer le jeu, hein, de l'apprentissage. Mais effectivement, avec plus de postulants, plus d'apprentis, des jeunes qui aujourd'hui, pour des raisons économiques aussi, hein, certaines veulent aller vers l'apprentissage pour pouvoir bénéficier d'un revenu, vont vers cette voie-là. On a besoin alors des employeurs, mais on a aussi besoin, je dirais, que l'État, en tout cas que le gouvernement, puisse continuer à encourager les CFA et l'apprentissage d'une manière générale. Donc les bonnes raisons pour les employeurs de se tourner vers l'apprentissage, quelles sont-elles ? Un des premiers arguments, c'est vraiment se donner les moyens d'accompagner un futur professionnel tout en répondant aux besoins du métier dans le secteur. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'employeurs qui ont des besoins réels. Ce sont des métiers en tension. Aucun de nos métiers n'est pas dans la liste des métiers en tension qui est encore sortie hier, donc qui fait un peu le buzz d'ailleurs, mais nous sommes toujours des métiers en tension et les employeurs peinent vraiment à trouver des salariés qualifiés et on trouve et les employeurs avec lesquels on travaille, hein, puisqu'on a des conseils de perfectionnement, on se rencontre régulièrement, on fait des bilans, les apprenants eux-mêmes, les maîtres d'apprentissage, trouvent que c'est une méthode assez formidable. Hein, c'est-à-dire qu'il y a très peu d'apprentis qui arrêtent en cours de route. Il y a très peu d'apprentis qui ne restent pas dans la structure. Il y a quand même un effet qui est assez intéressant, c'est une vraie rencontre entre un employeur et un salarié et une institution, des usagers, des publics, des familles. Et donc, il y a quelque chose qui se joue là. Donc, c'est une raison pour nous importante, c'est de dire aux employeurs, on sait que c'est difficile, on sait que la conjoncture, elle est difficile, mais il faut trouver la perle rare, hein, qui sera la vôtre. Il ne faut pas hésiter à recevoir ces jeunes, même si vous n'avez pas encore pensé à l'apprentissage. Tous ces jeunes qui vous écrivent et qui vous démarchent, recevez-les, échangez avec eux, parce que peut-être que vous allez trouver une ligne comptable, financière, peut-être qu'un projet va vous permettre de pouvoir obtenir aussi des aides. En tout cas, les aides de l'apprentissage existent et vous allez pouvoir recruter votre futur collaborateur. Et le former à l'image de votre entreprise aussi. Exactement, exactement. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que pendant l'apprentissage d'un jeune ou d'une personne plus âgée en contrat pro, et ça aussi, je pense qu'on aura un moment où on pourra échanger sur le podcast avec des personnes qui sont plus âgées, qui se sont réorientées, ou sont en reconversion, parce que ce sont des vraies rencontres et ça permet aux personnes vraiment de se sentir reconnues, de se qualifier et d'appartenir à une identité professionnelle. Et ça, ça n'a pas de prix aujourd'hui où tout est un peu va très vite, vous voyez. Donc, il y a déjà pas mal d'avantages, mais c'est aussi des avantages peut-être financiers aussi pour un employeur qui sont méconnus. Alors, il y a des avantages, hein, effectivement, alors, qui se sont amoindris, malheureusement. Donc, et ça, ça date d'il y a quelques mois, donc, puisque donc, on a eu un nouveau décret donc, qui est paru en février 2025, qui vient réduire justement la part donnée aux employeurs. On était sur des aides qui allaient jusqu'à 6 000 euros, en tout cas, pour les employeurs, pour la signature d'un contrat d'apprentissage. Aujourd'hui, donc là, depuis le début d'année, on a une baisse donc, quand même significative, puisqu'aujourd'hui, elle passe de 5 000 pour les institutions donc, de moins de 250 salariés. Alors, ça représente une infime part, hein, mais aujourd'hui, je dirais pour des grosses associations privées, en tout cas, ou même pour des institutions publiques, elle passe à 2 000 euros donc, au lieu de 6 000. Donc, sauf pour les alternants donc, en RQTH, donc en reconnaissance de qualité de travailleur handicapé, où là, on reste à 6 000 euros. Mais en tout cas, on passe quand même, je dirais, pour les plus de 250 salariés, donc de 6 000 à 2 000, ce qui effectivement gérerait un impact significatif quand même pour les employeurs dans leur choix. Et puis, une autre nouvelle qui n'est pas forcément, je dirais, des meilleures, c'est qu'à partir du 1er juillet prochain, les financements seront orientés en fonction des besoins du marché du travail, donc vers les métiers d'avenir plus généralement, donc vers les métiers qui recrutent et notamment sur des formations de niveau 3 à niveau 4, donc CAP, BEP et BAC. Donc on a également, je dirais, des formations de formation 6 et 7, donc de formation BAC plus 3, là encore, ne seront pas financés par certains, comme le public, la fonction publique territoriale, qui aujourd'hui, pour le coup, a décidé de ne plus financer les formations de niveau supérieur. Donc, nouvelles un peu moins bonnes, effectivement, il n'en reste qu'il reste quand même des aides et que les employeurs ne sont pas lâchés complètement. Non, tout à fait. On ne peut pas dire que les employeurs sont lâchés, tout à fait. Ce n'est pas les employeurs, en fait, qui sont lâchés, c'est une politique de former une catégorie d'individus, mais ça fera un débat ailleurs, c'est de décider de faire une primo-formation, en fait. Hein. On va vers les qualifications de premier niveau, donc CAP, BEP, en France, c'est le premier niveau. Hein. Ensuite, on va vers les niveaux BAC, hein, donc c'est le niveau qui suit. Il faut savoir une chose, c'est que moi, je suis confiante et en même temps, je suis critique. Hein, faut toujours être les deux, on m'avait appris. Mais je suis confiante. Pourquoi ? Je vais donner mon argument. Je pense que des personnes qui n'ont pas de grand diplôme ou qui n'ont pas une qualification qui aujourd'hui leur permet de rentrer dans le monde du travail. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai déjà parlé avec des personnes qui avaient des bac plus 4, 5 dans une discipline assez théorique. Je nommerais par exemple la psychologie, la sociologie, les sciences de l'éducation, qui voulaient être enseignants, par exemple. Je donne les exemples que j'ai le plus souvent, hein. Je ne parle que de ce que j'ai vécu. Et ben ces personnes-là, elles sont mais vraiment défaites quand on leur dit que leur bac plus 5, ben on peut pas les reconnaître. Mmh. Il faut recommencer pour faire éducateur spécialisé ou autre. Et bien dans leur parcours, j'ai rencontré des personnes qui, ben devant travailler, devant trouver une solution, étaient à la rencontre d'un employeur pour se vendre en tant qu'éducateur spécialisé en apprentissage. L'employeur n'avait qu'un poste de moniteur éducateur. Je suis ravie de vous dire que ben certains sont rentrés. Ils ont repris les deux années de moniteur éducateur en apprentissage et à J+ 10 ans, ils ont une qualification de moniteur éducateur et ils ont pu devenir éducateur spécialisé par la formation continue. C'est-à-dire que leur défi, c'était de rentrer dans le monde du travail. Ils ont réussi à se qualifier par l'apprentissage sur une qualification qui était inférieure à ce qu'ils étaient déjà. Et moi, je donne souvent l'image, c'est comme en saut en hauteur ou en saut en longueur. Personne ne saute sans prendre d'élan, c'est-à-dire sans reculer. voyez, c'est l'obligation dans la formation aujourd'hui. Et donc, cette entrée dans le monde du travail, bah, l'apprentissage, c'est tout à fait adapté. Et puis, ça peut rendre service aussi à des jeunes qui ont des difficultés déjà peut-être avec l'école aussi. Hein. Mais tout le monde n'est pas fait pour ça. Mais c'est exactement ça. Hein. Donc, on a également des jeunes qui ne sont effectivement pas super copains avec l'école et qui, pour le coup, je dirais... Alors, l'école, il y a toujours de la formation théorique et de la formation pratique. On est à peu près sur un moitié-moitié, sur, en tout cas, voilà, dans la réalité. On est moins sur des enseignements très, très scolaires. Je rebondis sur les cinq bonnes raisons, mais on les a abordées dans nos discussions. Effectivement, je dirais, vous l'aviez dit tout à l'heure, recruter un apprenti, c'est effectivement, je dirais, lui inculquer aussi les valeurs de l'institution. Oui. On va dire, effectivement, on parle toujours de piqûre institutionnelle, la bonne picouse, voilà, qui est la culture d'entreprise, en tout cas. Donc, c'est ça. L'employeur, s'il investit et de se dire qu'il aura un retour sur investissement en espérant surtout que la personne reste chez lui, parce que c'est aussi ça l'idée, c'est de former et de garder ensuite. C'est un vrai pari que l'employeur se fait aussi, gérer de recruter un apprenti. C'est aussi de valoriser les équipes, c'est-à-dire rendre les professionnels en tant que formateurs, c'est reconnaître également gérer leurs compétences, leurs connaissances, pour qu'ils puissent aussi les transmettre au bénéfice d'un apprenti. Donc ça, c'est la troisième bonne raison. Et puis effectivement, c'est ce que vous disiez, c'est pour ça que je me suis permis de repartir tout de suite sur de pas lâcher le fil des cinq bonnes raisons. Et c'est de laisser la chance aux nouvelles générations, tout à fait. Effectivement, l'emploi des jeunes, c'est aussi une responsabilité collective, donc voilà, sociétale. Et de nombreux jeunes aujourd'hui sont prêts à s'investir dans notre secteur. Les envies des apprenants sont là, mais voilà, les employeurs, il faut aussi qu'ils réagissent derrière et qu'ils soient présents et qu'ils se proposent pour accueillir des apprentis. Comment on fait aujourd'hui pour les toucher ? Au-delà de l'aspect financier, c'est aussi, je dirais, de pouvoir leur dire que on est dans un paradoxe, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce sont les premiers à nous dire qu'ils peinent à recruter des gens formés. Donc voilà, donc il y a des personnes qui effectivement travaillent dans les structures, qui ont cette vocation, un mot qui commence un peu à perdre aussi de sa valeur ou de sa superbe. Il faut aussi que eux puissent se dire, on ne peut pas rester comme ça, et ça en va aussi au détriment de la qualité d'accompagnement des personnes qu'on accompagne. Donc pour le coup, si on a moins de personnes formées, les personnes qui effectivement sont suivies, sont accompagnées dans les structures, ce sont les premières victimes de ce fléau, quoi. Donc, on ne peut pas dire on ne recrute pas et on ne prend pas d'apprentis pour pouvoir les former. Donc à un moment donné, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Vous cherchez aussi à toucher les employeurs. Vous organisez à l'IRTS de Lorraine des temps d'échange, des temps de rencontre, de faire Tout venir justement les employeurs chez vous. Comment ça se passe ? Il y a différents temps d'ailleurs de rencontres avec les employeurs. Il y a des rencontres individualisées. Tous les employeurs déjà qui accueillent des salariés chez nous. On a des salariés en formation continue. On a des étudiants en stage. Donc tous les employeurs sont des forces vives de la formation professionnelle des travailleurs sociaux. Sans les employeurs, il n'y a pas de formation. Ça déjà, il faut se le mettre dans la tête, les employeurs sont partie prenante. On est en termes de volume horaire, vous le disiez Kassem tout à l'heure, on est autant de temps en stage ou chez l'employeur en train de travailler, quand on est en situation de travail, qu'on est de temps en formation théorique à l'institut. Pour qu'il y ait une adéquation entre ce qu'ils apprennent Exactement. Et ce qu'ils vivent. Voilà, c'est une réelle articulation, une vraie co-construction. D'où l'intérêt de former des salariés pour accueillir des stagiaires, d'où l'intérêt de former des maîtres d'apprentis pour accueillir des apprentis, d'où l'intérêt de faire participer les employeurs dans les comités, leur permettant de leur donner leur avis et leur permettant de saisir les référentiels pour comprendre ce que l'État nous demande de faire en termes de formation et quelle est leur place et comment eux, en tant que chef d'orchestre sur la partie pratique, ils vont mettre la main à la pâte. Et donc, à l'IRTS de Lorraine, vous organisez des temps, des job dating, je crois, Tout des choses fait. Comme ça. Voilà, donc au départ, on débute l'année avec des portes ouvertes, donc voilà, ce qui permet déjà aux candidats de venir s'informer sur les différentes formations, en tout cas dispensées par l'IRTS de Lorraine. Ça, c'est avant Parcoursup. Avant Parcoursup. C'est justement pour préparer Parcoursup, puisqu'effectivement, ça se fait vraiment mi-janvier. Donc là où cette année, c'était le 18 janvier, donc où là, on a accueilli des candidats avec leurs parents, souvent, qui venaient effectivement s'imprégner un petit peu du lieu, puisque ça s'organise également, géré sur le site de Nancy et BSM. C'est ce qu'on appelle les portes ouvertes. Donc là, les professionnels sont tous mobilisés pour pouvoir effectivement proposer les différentes formations qui sont de 27 quand même gérées au total au niveau de l'IRTS de Lorraine. On a les journées de la professionnalisation donc en mars où là on est sur un événement semblable mais avec les employeurs. Donc là les candidats reviennent et là ils rencontrent les employeurs et surtout donc là les employeurs viennent aussi jouer un peu la carte de l'attractivité, donc dire un peu, elles viennent dire ce qu'elles font puis surtout elles viennent aussi éventuellement repérer des candidats potentiels pour pouvoir les accueillir. Ça peut être du stage comme ça peut être de l'apprentissage, ça peut être du contrat de professionnalisation. On a les job dating qui se font à partir du printemps, donc ça va de avril à juin. Donc là, les job dating, là, on est vraiment sur ce qu'on appelle de la mise en lien. Donc là, pour le coup, on est dans quelque chose d'assez concret. En tout cas, pour ce qui concerne l'apprentissage ou l'alternance de manière générale, où là, les employeurs viennent avec des offres. Et là, elles rencontrent dans le cadre d'entretiens courts, des candidats qui effectivement viennent mettre en avant leur grande motivation. Et au-delà, je dirais, de ces événements-là, le service du CFA, on essaye aussi de recueillir les besoins des employeurs, donc il y a aussi, je dirais, un vrai travail de recherche, de lieux d'apprentissage. On a des outils de communication, en tout cas sur lesquels on vient mettre en avant notre besoin donc de rechercher des places en apprentissage. Bon voilà, ça reste un travail de longue haleine jusqu'à la rentrée, donc mi-septembre, et sachant qu'on peut accueillir des alternants jusqu'à début décembre ou plus tard, vraiment, donc fin novembre, début décembre, et à partir de là, donc là, on serait contraint d'être, en tout cas pour la personne qui n'aurait pas trouvé un apprentissage, c'est un projet qui est remis à l'année prochaine. Et ce serait dommage. Oui, ce serait dommage, et c'est un peu, voilà, c'est là. C'est pour ça qu'il faut trouver des employeurs. C'est pour encore ça que, plus. Là, on est en plein dedans, hein, là, on est sur la période où effectivement, je dirais, on met en avant, on va dire, tous nos atouts pour pouvoir. Alors, des employeurs qui seraient susceptibles de nous entendre, de nous écouter, qu'est-ce qu'il faut faire tout simplement? Ils vous contactent, ils prennent contact avec l'IRTS. Tout à fait, ils se mettent en lien avec l'IRTS de Lorraine, avec le service du CFA, et effectivement, donc de nous faire part de leurs besoins, de leurs aussi de leurs questions avant leurs besoins. Donc ils ont certainement des questions à poser. En tout cas, voilà, on se met à leur disposition pour pouvoir effectivement répondre à leurs questions. On peut se déplacer également, ça fait partie de mes missions aussi, moi en tant que coordinateur, d'aller vers eux, en tout cas d'aller les rencontrer, et surtout de leur proposer ce qu'on appelle notre offre de service, notre menu à l'IRTS. En tout cas, l'idée, c'est surtout de permettre à tous les employeurs, et là vraiment je fais un appel, tous les employeurs doivent au moins essayer d'avoir une rencontre avec nous. C'est-à-dire que peut-être qu'on aura des solutions, peut-être qu'on va co-construire ensemble des solutions, peut-être qu'on va trouver ensemble des apprentis, peut-être qu'on va trouver des... Vous voyez, moi, je pense que les employeurs du secteur social, avec ce qui vivent aujourd'hui, de l'intervention sociale, du médico-social, dans tous les secteurs, enfance, handicap, insertion sociale, insertion professionnelle, il y a des difficultés partout. On le sait en tant que citoyen, on le sait en tant que travailleur social. La réalité, c'est restant ensemble pour se mobiliser et pour trouver des solutions. Et ça peut être des solutions alternatives. Moi, j'ai rencontré, par exemple, des jeunes personnes, et je salue le travail des conseils départementaux de notre petite région, la Lorraine, les 4 conseils départementaux, Meurthe-et-Moselle, Moselle, Meuse et Vosges. On a travaillé avec les conseils départementaux. Les conseils départementaux prennent des apprentis. Ça, il faut que le constitué le sache. Ouais. Ils jouent le jeu. Et ils en ont envie, ils sont convaincus. Ils jouent le jeu, peu importe leur parti politique, j'ai envie de vous dire, on n'est pas dans la politique. Ils se rendent compte que la nécessité, même dans leur service déconcentré, ils en ont besoin. Et donc, ils essayent de participer à un maximum. Les employeurs, certains sont là depuis des années, depuis le démarrage de l'apprentissage. D'autres peinent à essayer de trouver des issues financières. Et moi, je pense que plus on se rend compte, plus on connaît les difficultés, plus on les fait remonter au bon endroit. Et puis, on est ensemble pour solliciter des aides, des besoins, pour permettre à la jeunesse de se former de manière qualitative. On arrive au terme de ce deuxième numéro des rendez-vous de l'IRTS de Lorraine. Vous avez évoqué plein de bonnes raisons. Je vous demanderai de sortir la raison choc pour vous, pour un employeur, de se lancer dans l'accueil d'un apprenti. J'employais un mot fort de pénurie, donc effectivement, et de qualité aussi d'accompagnement. Enfin, pour moi, voilà, on fait ces métiers-là. Je remploie un mot fort qui, pour moi, voilà, est aussi important dans notre secteur, c'est la vocation. On a envie d'aider et d'accompagner donc des personnes vulnérables, en tout cas, on doit bien les accompagner. Il est important qu'on les accompagne du mieux possible, et là, la formation, c'est... Voilà. On parlait de responsabilité collective concernant l'emploi des jeunes. Il en est de même de notre responsabilité collective, donc de bien former, de transmettre nos compétences, en tout cas. Moi, je dirais simplement, il y a énormément de candidats qui souhaitent intégrer. Ils vous attendent, ils ont besoin de vous rencontrer. Vous avez largement la possibilité de rencontrer un grand public qui est vraiment motivé. Et donc, on vous invite vraiment à essayer de les rencontrer. www.irts-lorraine.fr, ça vous allez sur le site, vous avez toutes les infos. Et je remercie bien sûr Nadia et Kassem. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à tous.